Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 21 mai 2021. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Une année après le triple scrutin du 20 mai 2020, le Congrès national pour la liberté CNL la dénonce des arrestations arbitraires dont sont victimes les militants de ce parti. Et plus de 80 000 porcs des provinces Ngozi et Kayanza recevront un vaccin contre trois maladies au cours d'une campagne qui a débuté ce jeudi, une première au Burundi, selon le secrétaire permanent au ministère en charge de l'élevage. Et un contrat de performance fixé au début de chaque exercice budgétaire est une des innovations apportées à la révision du projet de loi portant fonctionnement de l'Office burundais des recettes. Vous entendrez les précisions du secrétaire général de l'État. Et dans le reste de l'actualité internationale, au Nigeria, des incertitudes planent sur le sort du leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau. Le chef djihadiste aurait été gravement blessé ou peut-être mort après une attaque mercredi d'une branche de cette organisation. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Le projet de loi portant révision du projet de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Office burundais des recettes, analysé et adopté ce mercredi au Conseil des ministres, apporte des innovations, entre autres le contrat de performance fixé au début de chaque exercice budgétaire. Prosper Naourouami, secrétaire général de l'État, précise que ce projet de loi va corriger les imperfections que comporte la loi en vigueur. Suivez-le. Ce projet proposé dans le but de corriger certaines imperfections que comporte la loi en vigueur afin de la rendre plus claire. Ainsi, entre autres innovations, les compétences du ministre en charge des finances qui a l'OBR sous sa tutelle sont bien précisées dans ce projet. Le projet introduit également une autre innovation avec la notion de contrat de performance fixé au début de chaque exercice budgétaire sur base duquel l'évaluation du commissaire général de l'Office burundais des recettes sera faite. Le projet précise aussi que la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 4 ans renouvelable une fois seulement. Le projet clarifie les missions de l'auditeur interne de l'Office burundais des recettes. Le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de bien préciser qu'un membre du personnel ou des organes de l'OBR est responsable des actes qu'il pose dans l'exercice de ses fonctions et que l'OBR n'a pas à y répondre. Décentraliser l'OBR jusque dans les communes pour que ses agents perçoivent les recettes au nom de la commune. Cela permettra de connaître toutes les recettes collectées dans tout le pays. Veillez à ce que le conseil d'administration et la direction de l'OBR ne terminent pas le mandat au même moment. Mettre en place un texte qui harmonise et donne des orientations sur les pouvoirs des conseils d'administration, des administrations personnalisées et des sociétés à participation publique, car ils ont tendance à gérer les fonds des entreprises dont ils sont chargés, comme le capital du personnel, en leur octroyant des avantages exorbitants. C'était Prosper Naourouami, secrétaire général de l'État. Donner des facilités aux importateurs empruntant le corridor central dans le transport de leurs marchandises, disponibiliser un kit de matériel pour tester le Covid-19 aux commerçants qui entrent au Burundi et mettre en place une assistance technique au ministère qui permettra d'inventorier les marchandises. Voilà certains accords signés ce vendredi entre le ministère du Commerce et le secrétaire exécutif du corridor central. Jérémy Maniguaninzigo, secrétaire permanent au ministère du Commerce, dit que cela leur permettra d'avoir des données à temps. Suivez-le. Premièrement, il y a un accord en rapport avec l'achat des kits pour le dépistage du coronavirus au Burundi. Et ça veut dire qu'ils vont nous aider à acheter ce matériel qu'on va essayer d'installer au niveau des frontières avec des autres pays, spécialement au niveau des frontières où passent nos marchandises qui viennent au Burundi. Et le corridor central va nous aider à augmenter ce matériel pour que nos transporteurs, pour que ceux qui viennent de l'extérieur en provenance de l'étranger, surtout quand ils viennent avec les marchandises, afin qu'ils ne puissent pas entrer au Burundi avec le coronavirus, Et le deuxième accord concerne l'assistance technique en vue de la mise en place d'un observatoire national du transport et du commerce international. Cette assistance vient à point nommé, étant donné que au niveau de notre ministère, on avait beaucoup besoin de cette assistance, et de telle sorte que actuellement, on travaillait sans connaître exactement le volume de nos marchandises qui viennent de l'extérieur et même au niveau de la quantité, de la qualité, des assurances et même au niveau du coût, que ce soit au niveau du coût du transport, au niveau du coût de ces produits, on n'était pas vraiment au courant de tout ça. C'est pourquoi vous voyez que sur le terrain, il y avait des commerçants qui changeaient les prix comme ils voulaient. Mais actuellement, avec cette assistance, on l'a sous forme de tableau de bord tout le temps, où les techniciens du ministère vont analyser tout ce qui est en rapport avec les produits qui vont entrer au Burundi ainsi que les produits qui seront en train d'être commercialisés au Burundi. Et actuellement, nous serons en mesure d'avoir les données à temps. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h02 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le Congrès national pour la liberté dénonce ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire et emprisonnement abusif de ses militants. Une année après le triple scrutin du 20 mai 2020, le porte-parole de cette formation politique affirme que leur parti a toujours des ennuis à organiser ses activités. Terence Manirambona estime que la loi régissant les partis politiques devrait être respectée. On l'écoute. Après le triple scrutin du 20 mai 2020, on remarque encore une fois des cas d'arrestation et d'emprisonnement arbitraire. Nous avons connu une période chaude électorale où nous avons enregistré plus de 1000 militants emprisonnés. On a relaxé des fois 50 et 100. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, si vous voulez, c'est que ce phénomène continue. Pourquoi les gens sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement? Parce que nous savons que la loi est claire là-dessus. Qui arrête une personne? Dans quelles circonstances? Et quand est-ce qu'on emprisonne une personne? Et surtout qu'on voit qu'il y a des mobiles politiques du jour qui se cachent derrière ces arrestations. C'est pourquoi alors nous déplorons toujours cette attitude de certains administratifs qui continuent à violer la loi, alors que la loi est claire en cette matière. Vous savez, le pouvoir c'est la loi. Si la loi autorise le parti CNL à exercer son rôle comme un parti politique comme tant d'autres, il faut que la loi soit respectée. Et si nous avons des permanences et que la loi autorise et que les militants se rencontrent dans une permanence, pourquoi alors un administrateur ou un gouverneur interdit les gens, les militants de se rassembler dans une permanence? Et nous avons des permanences qui sont démolies. Pourquoi ne pas inculquer à la population burundaise et surtout à ceux qui usent de la violence? Et que démolir une permanence, c'est une expression d'une intolérance politique accrue. Il faut que la loi soit respectée et applicable à tout le monde, au même pied d'égalité. Terence Manirambona, porte-parole du Parti Congrès national pour la liberté. Lancement officiel ce jeudi soir d'une campagne de vaccination des porcs contre trois maladies, à savoir le rouget du porc, Ojeski et la parvovirose dans les provinces de Ngozi et Kayanza. Le lancement a été fait par Emmanuel Ndolimana, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage en commune Ngozi. Plus de 80 000 porcs sont concernés par cette campagne de vaccination, une vaccination des maladies des porcs introduite pour la première fois au Burundi, selon Emmanuel Ndolimana. Ce vaccin trivalent va, selon lui, diminuer sensiblement le taux de mortalité des porcs. Correspondance Apollinaire Muzagara. Comme l'indique Yves Nshimirimana, expert en santé animale du programme Tubeho Neza, l'on croyait auparavant que pas mal de porcs étaient victimes de la peste porcine ces derniers jours, mais l'on a constaté qu'il y avait également du rouget du porc, de l'Ojeski et parvovirose, des maladies heureusement vaccinables. De commun accord avec le ministère en charge de l'élevage, ils ont importé ce vaccin trivalent sous le financement de l'Union européenne. La campagne de vaccination a été lancée ce jeudi en Ngozi par l'autorité permanente du dit ministère, vaccination des porcs introduite pour la première fois dans son pays, d'après Emmanuel Ndolimane. 85 000 porcs seront vaccinés durant cette campagne dans les deux provinces Ngozi et Kayanza, une activité dont le coût s'élève à 240 000 euros, soit environ 600 millions de francs. Cette autorité du ministère appelle les éleveurs concernés à répondre massivement, surtout que cette vaccination est gratuite. Emmanuel Ndolimane demande aux responsables du programme Tuehoneza de toquer encore à l'Union européenne pour que les autres provinces puissent aussi bénéficier de ce vaccin. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Et trois sacs de sucre de 50 kilos chacun ont été saisis par les administratifs à la base au village 6 de la commune de Guihanga en province de Bobanza. C'était autour de 22h au cours de cette nuit de jeudi à vendredi. Les habitants de ce village dénoncent la persistance de la fraude de sucre alors qu'il est devenu très rare sur le marché. Ils demandent que ces trois sacs leur soient distribués et que les fraudeurs soient sanctionnés conformément à la loi. Léopold Ndayisaba, administrateur de Guihanga, fait savoir que ce sucre va être vendu au prix fixé par l'État et que le propriétaire va être frappé d'une amende. On parle maintenant infrastructure et salubrité. Les espaces publics de la commune Hangwa sont dépourvus des poubelles. L'exemple est celui de l'arrêt bus se trouvant à la 11e avenue dans la zone de Kamenge et les terrains de jeu se trouvant en Gagara, connus sous le nom du Sessinga. Même dans la commune de Mukaza qui en dispose, certaines sont déjà détériorées. Reportage dans Jean de Dieu Irakozi. Arrivé sur le parking de bus de transport de Kamenge, 6 à la 11e avenue dans la zone Kamenge, connue également sous le nom de Terminus, de même qu'au terrain de jeu se trouvant en Ngagara, entre Ngagara 3, 5 et 6, les immondices sont jetés n'importe où, dans les caniveaux et leurs alentours ou le long des terrains de jeu. Suite au manque de poubelles comme le signal, les personnes rencontrées sur le lieu qui se sont entretenues avec la radio Isanganiro. Tu le vois toi-même quand tu arrives à destination à bord d'un bus de transport en commun avec une bouteille d'eau par exemple, le passager la jette par terre. On n'a pas prévu des poubelles. Ici, il se joue beaucoup de jeux, mais on n'a pas prévu de poubelles. Tous demandent la disponibilisation de ces poubelles dans les espaces publics. Nous demandons aux autorités habilitées de rendre disponibles des poubelles publiques dans les parkings. Cette situation s'observe au moment où dans la commune Mukaza, où il existe ces poubelles, certaines sont déjà détériorées, comme celles se trouvant au campus Mutanga et centre-ville parking du Nord, et d'autres déjà débordées, comme celles se trouvant tout près de la banque commerciale d'Ibundi, dans le centre-ville. C'était le reportage de Jean Dodieu, Irakozé. Le Burundi est membre de plusieurs organisations. Il est ainsi nécessaire de montrer les organisations que le Burundi souhaite quitter. Une question analysée en Conseil des ministres du 5 de ce mois de mai. L'intégration du Burundi dans différentes plateformes régionales, sous-régionales, et notamment la zone de libre-échange continental africain, a été analysée et approuvée au cours de cette semaine. Mireille Kanyange revient sur ces faits. Membre de la communauté économique DPD Grand Lac, CIPGL, du COMESA, de la CIAC, de l'EAC et d'autres organisations régionales et internationales, le Burundi poursuit différents atouts, notamment les échanges commerciaux, étant donné qu'il n'a pas accès direct à l'océan. Et la question d'avantages à tirer de ces organisations est revenue sur les lèvres de certains députés. C'était mercredi, lorsqu'il y avait analyse du projet de loi portant zone libre d'échange continental africain. En plus des atouts, le Conseil des ministres du 5 mai s'est penché sur cette appartenance du Burundi à plus de 180 organisations telles que rapportées par Prosper Onharwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Parmi les plus de 180 organisations auxquelles le Burundi est membre, il est nécessaire de montrer les organisations que le Burundi souhaite quitter, les raisons majeures ainsi que les conditions de retrait pour aider le gouvernement à se prononcer. Pour les organisations retenues, il faudrait montrer le montant des contributions du Burundi ainsi que les arriérés. Les ministères sectoriels devraient analyser l'impact du retrait du Burundi de telle ou telle organisation. Il n'est pas obligatoire d'être membre d'une organisation pour pouvoir bénéficier de son expertise. Le dossier reviendra en Conseil des ministres après avoir retravaillé en tenant compte de ces observations. Et suite à ces inquiétudes du Conseil des ministres tenues le 5 du mois de mai en cours, eh bien, la Chambre haute du Parlement burundais est attendue sur l'analyse de ce projet de loi portant zone libre d'échange continental africain et plus d'un attend la réaction du Sénat burundais. Mireille Kanyang, en direct dans ce journal. Il est 13h10 à Bujumbura. On marque une courte pause et nous ouvrons la rubrique internationale. Actualité internationale. Au Nigeria, des incertitudes planent sur le sort du leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau. Le chef djihadiste serait gravement blessé ou peut-être mort après avoir tenté de se suicider pour échapper aux hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. En 2016, Boko Haram s'était scindé en deux groupes, d'un côté l'ISWAP et de l'autre, une faction historique toujours dirigée par Aboubakar Shekau. Son bastion de la Sambisa a été pris d'assaut ce mercredi par les hommes de l'ISWAP. Et le sud de Madagascar risque de se trouver en situation de famine dans les mois qui viennent si rien n'est fait. C'est l'alerte que lancent les agents des Nations Unies présentes dans la région. Cette partie sud de la grande île est régulièrement touchée par de graves pénuries alimentaires. Mais cette année, plusieurs facteurs combinés ont créé les conditions d'une très grande fragilité. Et hors du continent africain, cessez-le-feu entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas dans la bande de Gaza est entré en vigueur. Il a débuté tôt ce vendredi, mettant fin à 11 jours de combat au cours desquels plus de 240 personnes ont été tuées, la plupart à Gaza. Les Palestiniens ont afflué dans les rues de Gaza peu après le début de la trêve, tandis qu'un responsable du Hamas a prévenu que ses mains étaient sur la gâchette. Israël et le Hamas ont tous deux revendiqué la victoire dans le conflit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Une année après le triple scrutin du 20 mai 2020, le Congrès national pour la liberté CNL dénonce des arrestations arbitraires dont sont victimes les militants de ce parti. Et plus de 80 000 porcs des provinces Ngozi et Kayanza recevront un vaccin contre trois maladies au cours d'une campagne qui a débuté ce jeudi à Ngozi. Une première au Burundi, selon le secrétaire permanent ministère en charge de l'élevage. Un contrat de performance fixé au début de chaque exercice budgétaire est une des innovations apportées à la révision du projet de loi portant fonctionnement de l'Office burundais des recettes. Dans le reste de l'actualité internationale, je viens de le dire, au Nigeria, des incertitudes planent sur le sort du leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau. Le chef djihadiste aurait été gravement blessé ou peut-être mort après une attaque mercredi d'une branche de cette organisation. 13h13, à Bujumbura et sur Isanganiro, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique d'Alphonse Koubimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.